kwe. Laissez-moi dire qui j'en ai eu. Pas ni aïe plus belle que vous et moi. Pas besoin de parler, les yeux fermés, quand nous mélangeons.